cours numéro 44. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban rahimahullah, dhikru istihbab at-tafrij 'ani an-nas wa qada' al-hawa'ij. Donc ce 44e chapitre vi istihbab at-ta'awun bayna al-mu'minin. Et l'entraide entre croyants. At-tafrij 'ani an-nas bi qada' al-hawa'ij wa min at-ta'awun, c'est d'alléger son frère. Ida waqa'a muslimun fi shidda fi kurba, une épreuve, une chose qui le fait souffrir. Ikhwanuhu al-mu'minun, il doit faire des efforts pour alléger, être une cause d'allègement pour ce mu'min. At-tafrij 'ani an-nas. سيأتي معنا من فرج كربة من كرب الدنيا أو ست رواية من نفس بقضاء الحوائج. الحوائج c'est le pluriel de حاجة, أي les besoins. فالمؤمن, le croyant, il doit avoir cette notion importante, أي أنه il vit en communauté. Umma, marhouma, la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et en tant que mu'min, qui fait partie de cette communauté, tu dois savoir anna ikhwanak min al-mu'minin, ils ont des hukouk azim alayk, ils ont des droits. Et anta en tant que mu'min, en tant que croyant, tu dois faire des efforts pour eux respecter هذه الحقوق. Tu dois faire des efforts pour aider ton frère en cas de besoin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé al-mu'min ma'a akhih. Al-mu'min comme un corps. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. C'est comme un seul corps, al-mu'minun. إذا اشتكى منه عضو, quand un membre de ce corps il souffre, tada'alahu sa'ir al-jasad bis-sahari wal-humma, tout le corps il souffre. Si un membre est touché, tout le corps il souffre. Si un membre il est blessé, tout le corps il est touché par la fièvre, par le manque de sommeil, par la souffrance. Hakada, entre croyants, on doit faire des efforts pour ressentir, pour faire des efforts pour préserver ces liens. فكم من إخواننا المؤمنين ils sont dans des situations difficiles, ربما des proches, ربما des amis, ربما des frères que tu connais في الله. Et هذا الفصل, ce chapitre, il est نافع جدا. C'est un rappel très très important pour chacun de nous. قال رحمه الله ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج. Tout ça لله, pas pour se montrer, abadan. Tout ça en espérant l'énorme récompense que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن الكريم dans سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc on doit s'entraider dans le bien, on doit pas s'entraider dans le mal. S'il y a un mal, un manquement, un péché, une innovation, on a plusieurs chapitres sur le conseil, conseiller son frère. Et si c'est vie khayr, ou ce musulman il est touché par un mal, on doit faire des efforts, nata'awun ma'a, au moins essayer d'être une cause pour alléger ses souffrances. Là, c'est le minimum. Et celui qui ne peut pas financièrement, ou il ne peut pas l'aider directement avec des efforts physiques, il y en a l'entraide. C'est pas que dans le domaine financier. Là, ce mu'min il peut avoir besoin que tu restes un instant ma'a. Ce croyant il peut avoir besoin que tu passes du temps avec lui. Il peut avoir des problèmes, se sentir seul, avoir des wasawis, être malade. Il peut être touché par une souffrance, une tristesse. C'est de passer du temps avec lui. C'est mouhim, ne pas comprendre. Avec une vision très très restreinte. L'entraide, c'est avec l'argent, c'est tout. Là, كلمة طيبة في موضعها, qui est basée sur l'ilm ou le hikmah, ça peut être une entraide عظيمة pour ton frère. Un rappel d'un hadith, un rappel d'un verset du Coran, Al-Karim, et tu es une cause, que tu as ces souffrances, ou une cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait disparaître complètement cette chose qui a touché ce mu'min. قال الإمام ابن حبان رحمه الله أخبرنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا محاضر بن المورع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل. Celui qui fait des efforts pour alléger, être la cause d'alléger cette souffrance qui a touché son frère mu'min, نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui allégera certaines choses يوم القيامة. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Celui qui facilite à un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Fi dunya wal akhirah. Donc ça montre l'entraide. Fi Allah azza wa jal. At-ta'awun ala al-bir wa taqwa. C'est un profit pour toi, akhi al-karim, ici-bas et dans l'au-delà. Qala wa man satara ala muslim, satara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Celui qui cache le défaut, le péché, le manquement de son frère musulman, satara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala cachera certains de tes péchés yawm al-qiyamah et kadalik dans ce bas monde. Qala wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Ça c'est une kalima azima jami'a qui englobe tout le khir. Si tu fais des efforts pour aider ton frère, que ce soit dans tous les points cités précédemment, dans ce hadith, ou dans autre chose, al-muhim, c'est min al-ta'awun, al-bir, wa al-taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. Et on a tous besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghani. Wa antumul al-fuqara. On a tous besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se passer de cette aide un instant. Al-yada, parmi les causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, il nous guide, il nous donne, c'est de faire du bien. Faire du bien, fi hadhihi ad-dunya. Al-hadith, akhrajahu al-imam muslim dans son sahih. Al-hafiz ibn Rajab rahimahullah, dans Jami' al-Uloum wal-Hikam, il a cité hadha al-hadith. Al-imam Nawawi l'a cité, al-hafiz ibn Rajab, il l'a expliquer. On aura certains passages très profitables. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. Tu seras récompensé par rapport à ce que tu vas faire. Si tu as aidé, Allah t'aidera. Si tu as caché les défauts, Allah y cachera les tiens. Tu as donné, Allah te donnera. Hada ma'na qawl al-ulama al-jaza'u min jins al-amal. Et la récompense, elle est par rapport à ce que tu as fait. Et parmi les preuves, il y a kathira fi hada al-bab min al-adilla, ce hadith, hadith Abi Hurayra, radiyallahu anhu. Qala wa qad takatharat al-nusus bi hada al-ma'na, na'am. Plusieurs adillah في هذا الباب. كقوله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait il donne sa rahma à qui? À ceux qui ont de la rahma envers les autres. Ceux qui pardonnent, ceux qui ont de la miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonnera, il leur fera miséricorde. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Le premier hadith il est fait à Sahihain, et le deuxième il est fait à Sahih Muslim. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Ceux qui châtient les gens في الدنيا. Il les frappe. بعضهم عياذا بالله, ça va très très loin avec de la torture, etc. La séquestration. Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtira. Al-jaza'u min jins al-amal. Comme ils ont fait aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il leur fera. Qal wal-kurba. Aïe, qawluhu, donc, on revient au hadith. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab al-dunya. Donc, celui qui allège une kurba parmi al-kurab du mu'min fi al-dunya, فالكربة سكوا قال هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب. C'est ça الكربة. الكربة c'est une épreuve, une situation difficile qui place ce mu'min dans cette situation. الكرب. أنه il est triste. Il vit une situation très très dure. Il est malheureux. قال وتنفيسها أن يخفف عنه منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس. Ça vient du mot tamfis. Et le mot tamfis, ça vient du mot nafas. Le fait de respirer. Qala ma'khud min tamfis al-khanaq. Ka'annahu yurkhilahu al-khanaq hatta ya'khud nafasan. Ça vient de ce mot. Al-nafas, c'est le fait de reprendre sa respiration. Et ta'ammalu hadha al-mithal al-tayyib. Ou plutôt le choix de ce mot. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من نفس. Ça vient du mot تنفيس. Ça vient du mot نفس. Et c'est exactement comme comme قال الحافظ هنا ابن رجب رحمه الله. Quand un hadith se fait étrangler, étouffer. À un moment tu n'arrives plus à respirer. Et cette situation elle est très très difficile, que ça soit par la noyade en se noyant, ou quelqu'un qui se fait étrangler. Enfin, tu atteins un moment, une situation, l'insan n'arrive plus à respirer. Il est fi haraj wa shidda azima. Tu n'arrives plus à respirer, c'est très très difficile. Enfin, le fait de reprendre sa respiration dans ce moment, enfin, le mu'min, il sent hada tamfis. Il arrive à respirer. Hakada anta avec ton frère. Ton frère, rubbama, il est gharik fi duyun. Peut-être que ton frère, il est noyé dans des dettes. Peut-être que ton frère, il est noyé dans des soucis. Des problèmes des wasawis, des problèmes dans son cœur, des problèmes physiques. Beaucoup de choses. Tu le trouves en haut, qu'anahu il est rare, qu'anahu il se noie. Fa anta, si tu es une cause pour l'aider à respirer fi hadha al-hal, walaw un instant. C'est pour ça que passer du moment avec son frère fi hadha al-hal, c'est très très profitable. L'aider avec le mal, ou avec le kalam al-tayyib, ou avec un effort physique, ça peut être très très profitable pour le mu'min. Qala wa at-tafrij a'dham min dhalik wa huwa an yuzila anhu al-kurba fatanfarij anhu kurbatah. Ah na'am. Et là c'était les riwayat. La'allahu na'am. Et là c'était les riwayat. Notre riwayat, man farraja an akhihi. نعم ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Dans صحيحين عن عبد الله بن عمر, il y a une autre riwaya, أن من فرج, le mot فرج il est encore plus fort. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que ces deux riwayat elles se complètent. Fait que ça soit التنفيس, un allègement, ou التفريج, c'est être la cause que cette épreuve elle disparaît complètement. فلا شك أن التفريج سأعظم سأنفع لدن لدو كاية دو خير. دونك نحن نبخفيت كوا دو هذه الأدلة si on peut être une cause pour aider notre frère et être une cause, نعم, que cette épreuve elle disparaît بإذن الله عز وجل, فيا une énorme récompense. وعلى الأقل, si tu peux pas être une cause que l'épreuve elle disparaît complètement, au moins faire un effort pour pour alléger. Ahiyanan sahih anna, tu sais que ton frère mu'min, il est touché par un problème. Que ça soit financier, que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit... Et tu ne te sens pas prêt à t'investir à 100% par manquement, par manque de temps. Il a akhri al-muhim, ou par manque de moyens. Enfin, ala al-aqal, on ne délaisse pas al-khir complètement. Léana, si toi tu fais un effort, tu ne fais ça, tu allèges. Maintenant, on dit une heure. Comme un autre frère, il allège à ce frère, il allège cette épreuve à ce frère une heure, à un autre encore une heure. Alhamdulillah. Et c'est ça, ma'ana qawlihi alayhi subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu ala al-bir wa taqwa. Limadha li anna sil umma, on fait tous des efforts. Ana, j'ai un juhd, je fais un certain effort. Un autre frère, un effort et un autre. Alhamdulillah, on va s'entraider. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Il a cité cet autre exemple. Les croyants, c'est comme une construction. Et là, chacun a une construction. Elle ne tient pas sur une brique ou sur un pilier. Là, il y a plusieurs briques, plusieurs piliers, plusieurs matériaux. Peut-être que là, je ne pourrais pas tout faire tout seul. Fais un deuxième, un troisième. Prends l'exemple du malade. Al-Marid, il est fait courbe arime en général. Il peut être dans une chambre hôpital tout seul. Et il a des humoum et... Peut-être qu'il souffre physiquement. C'est difficile, il est fait courbe. Si un matin, je reste avec lui une heure, je ne peux pas rester peut-être avec lui du matin au soir. Ou le choc. Un alinsan a des occupations, etc. Un âge, je reste une heure. Un tas, tu restes une heure. Un autre frère, il reste une heure. Peut-être que, alhamdulillah, la plupart de son temps, il va être avec des frères. Et nasiha min huna. Et tabshir min huna. Et hada lui remonte le moral, hada un cadeau, hada il lui lave ses vêtements, hada wahakda, on s'entraide. Amma hiyana nahnu on a du taqsir, c'est une partie ou un qui fait une chose et le reste ils sont firaf, là et ça devient très très difficile. Ali hada ta'awun, c'est muhim, mais on n'oublie pas hada. Il y en a, si tu fais un tas, cet effort minime, qu'est-ce que ça va te prendre de visiter un frère malade? Qu'est-ce que ça va t'enlever si tu aides ton frère? Il a besoin et tu l'aides. Avec une kalima, avec de l'argent, avec qu'est-ce que tu vas perdre? C'est que pour ton propre bénéfice, Akhil Karim. Et Allah Azza wa Jal, si tu es sincère, viendra un jour où on aura tous besoin de hada. Yawm al-Qiyama. Le jour où le soleil sera très très proche de nous. Le jour où tout le monde sera nu devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où Al-Mu'min il aura besoin de la moindre hasana, la moindre assistance min Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette situation, tu seras très très content, satisfait de trouver hadha al-amal at-tayyib. Que Allah subhanahu wa ta'ala yufarrij ank. Qala fa jaza'u at-tanfis, at-tanfis wa jaza'u at-tafrij, at-tafrij. Ça c'est une faïda azima. Si tu as allégé à ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'allégera. Si tu étais la cause, l'épreuve, elle a complètement disparu, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera disparaître ce mal yawm al-qiyama qui peut te toucher. Qala kama fi hadith ibn Umar, wa qad jumi'a baynahuma fi hadith Ka'b ibn Ujra. Donc on a hadith Abi Huraira, vihi tanfis, man naffasa an mu'min, celui qui allège. On a hadith ibn Umar, man farraja. Celui qui est la cause en a l'épreuve, elle disparaît complètement. On a hadith Ka'b ibn Ujra. Il y a les deux. Les deux mots, ils sont cités. Alhamdulillah. Hada par rapport à la première partie du hadith. Thumma qala, rahimahullah, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man yassara ala mu'sirin, yassara allahu alayhi fi dunya wal akhira. Qala hada aydan yadul ala anna l'i'sar qad yihsul fil akhira, wa qad wasafa allahu yawm al-qiyama bi annahu yawmun asir. Et ta'ammal hada. Man yassara, ça vient du mot yusr. Inna ma'al usri yusra. Tu as les deux mots. Al-usr, c'est la difficulté. Al-yusr, c'est la facilité. Enfin, celui qui facilite, man yassara ala mu'sirin. Celui qui facilite à son frère qui est en difficulté. Yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhira. Allah, il te facilitera ici-bas et dans l'au-delà. Enfin, combien de choses tu as besoin dans ce bas monde? Kam min umur. Tu as besoin qu'Allah, il te facilite dans l'adoration, tu as besoin qu'Allah te facilite dans l'ilm, dans la science, tu as besoin qu'Allah te facilite pour améliorer ton comportement, tu as besoin qu'Allah te facilite fi dunya pour trouver un travail halal, tu as besoin qu'Allah te facilite pour le mariage, qu'il te facilite pour le hijra. Ne pas oublier ces causes. Si tu fais des efforts et tes frères, al-mu'minoun, quand ils sont fi dhiq ou haraj, ils te trouvent à leur côté. Fais un tas le jour où tu seras dans une situation difficile. Tu voudras faire une chose et tu as du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera et t'ouvrira les portes. Ou hada c'est malhoud. Si vous analysez dans votre entourage, tu trouveras toujours wahed qui fait beaucoup d'efforts, vihada, qui aime aider les autres. Et Obama, il fait des sacrifices, il prend de son temps. Et il fait passer hiyanan le besoin des autres avant le sien. Tu trouves mitlaha oula. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ouvre les portes dans beaucoup de choses. Qala rahimahullah, yadul ala anna l'i'sar qad yihsul fi al-akhirah. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير. On a cité, ou on a parlé plutôt au départ de الدنيا, يوم القيامة, combien de difficultés. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ce jour, il a qualifié ce jour de عسير. عسير, ça vient du mot عسر, et c'est un jour très très difficile. قال وأنه على الكافرين غير يسير. فدل على أنه يسير على غيرهم وقال تعالى وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Ça sera un jour très très difficile pour les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala al-kafara. Donc on doit faire les causes pour que ce jour pour nous, en tant que croyants, il devienne plus facile. Comme mes amis, ils font beaucoup d'efforts pour se faciliter les choses fi dunya. Et là, c'est tayyib. Il y en a, l'être humain, il n'aime pas la difficulté. C'est dans sa nature et c'est normal. Lakin, est-ce qu'on fait assez d'efforts pour nous faciliter Yawma al-Qiyama? Maintenant, quand on va en voyage, on fait beaucoup de causes pour nous rendre les choses plus faciles. Ta nourriture, tout ce que tu as besoin, ton moyen de locomotion, tu essaies d'éviter la circulation, tu essaies d'éviter le froid ou l'extrême chaleur, etc. Tout ça, c'est pour te faciliter. N'oublie pas, là, ce jour, qu'il y aura des difficultés. Elles sont incomparables avec Dunya. Le soleil sera très, très bas. Et combien de choses? Combien de choses qui seront très, très difficiles? On ne doit pas oublier de préparer Hada al-Yawm al-Azim avec Al-Amal al-Salih et parmi les œuvres pieuses et parmi les choses utiles, profitables pour alléger cette difficulté Yawm al-Qiyamah ou la faire disparaître. De faciliter à ton frère le mu'min dans ce bas monde. قال رحمه الله والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين. Le fait de faciliter à ton frère, si on prend l'exemple de l'argent, il y a deux cas. قال إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب. Et هذا c'est un exemple très très répandu. Et le fait de faciliter à son frère fi hada, il y a une énorme récompense. Qala imma bi inzarihi ila al-maysara. Si tu as prêté de l'argent à ton frère, il a une dette envers toi. Et là, chacun a d'avoir une dette, c'est difficile. Si tu lui facilites, le premier cas, tu repousses. Il devait te rendre maintenant cet argent aujourd'hui et il n'a pas. Ou ya'tadhir. Il s'excuse, il te dit j'ai fait des efforts, je peux pas te rembourser aujourd'hui. Min al-ihsan wa min al-taysir, c'est de repousser. Tu lui dis, je te rajoute un mois, deux mois, un an. Al-muhim, tu lui facilites. Wa dhalika wajib, ça c'est obligatoire. Wa dalil qala kama qala Allah ta'ala wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maysara. Wa ahlul ilm yaquluna annahu c'est une obligation de faciliter à ton frère dans ce cas. Tu repousses. Liman alayna, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Fi hadha al-hal min al-ihsan, tu repousses et le frère qui est endetté, il fait des efforts. قال وطرة بالوضع عنه إن كان غريما. Et أحيانا, et là c'est une درجة أرفع وأعلى. C'est un niveau, c'est un degré beaucoup plus élevé. C'est الوضع عن, c'est que tu annules cette dette. Et ça c'est من التيسير والتفريج العظيم على على على المؤمن. Annahu, tu lui annules cette dette. Fait comme ça, yafrah. Comment ça va rendre heureux ce mu'min? Tu lui as facilité à ce point, cette dette, elle est annulée. Et anta yawm al-qiyama, combien de choses, combien de manquements, combien de péchés, en annulant cette dette à ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. كذلك. قال وإلا فبإعطائه ما يزول به إعصاره وكلاهما له فضل عظيم. كذلك, ça peut être un cas, ça n'a rien à voir avec cette dette, لكن ton frère maintenant, il n'arrive pas à payer son loyer. Ton frère, il n'arrive pas à payer certains médicaments. Ton frère, il a des manquements dans des choses muhim. Et un tas, tu le sais. Et un tas, tu lui payes cette chose. Voilà, chacun a fait hada al-hal. Tu as facilité à ton frère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوز عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un homme, un commerçant, qui faisait des... Et les gens, ils prenaient chez lui avec, avec crédit. Ils ne payaient pas directement. Ils avaient des dettes. Ça, c'est hal kathir min at-tujjar. Un homme, il laisse les gens prendre et à la fin du mois, les gens, ils payent. Qala fa'idha ra'a mu'siran. Ce commerçant, quand il voyait un mu'sir, et Wahed qui avait acheté certaines choses et qui achetait, et ça se voit, et ça se sent, celui qui ne peut pas rembourser ses dettes. Enfin, quand il avait connaissance d'un mu'sir, Wahed qui avait du mal à rembourser ou qui ne pouvait pas rembourser, tajawazu'an, il disait à ses enfants qui travaillaient pour lui, tajawazu'an, la'allallahu an yatajawaz'anna. Hakada man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes, il le guide, il le facilite. Il utilise cet argent filkhé et kadalik avec cette niya. Ce père, il a dit à ses enfants, quand vous voyez wahed qui est en difficulté, tajawazu an. Laissez-le, khalas, ne lui demandez pas de rembourser. Donnez-lui. Donnez-lui. La'allallah. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala yatajawaz anna. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera yawm al-qiyam. Il nous effacera certains péchés. Il ne prendra pas en compte tout ce qu'on a fait. Comme un hadal mu'mini, il facilite à son frère, il ferme les yeux sur certaines choses, il lui efface des dettes. Fahakada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fatajawaz Allahu an. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à cet homme. Comme il a facilité aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il lui facilitera yawm al-qiyama. Thumma qala, رحمه الله قوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui cache les manquements, les péchés, les défauts de son frère, ستره الله في الدنيا والآخرة. Allah, il cachera ses défauts, ses manquements ici-bas et dans l'au-delà. قال رحمه الله وعلم أن الناس على ضربين. Il a cité les deux catégories. Une catégorie, on doit cacher leurs défauts, on ne doit pas les divulguer. قال أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها. Un mu'min qui est connu pour s'accrocher à son din, pour s'écarter des péchés, il fait des efforts, لكن وقعت منه زلة هفوة. لأن المؤمن malgré ses efforts, il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri des manquements de péchés, etc. فهذا المؤمن qui a l'habitude de faire des efforts, là, qui n'est la glisse, dans un certain point, là, il joue. C'est pas permis de divulguer ses péchés, bi adl-hal. Limada, li annahu, c'est pas dans son habitude, il n'y a aucun profit, aucune haja de dévoiler son péché. Fafi, adl-hal, an-nusr, wa as-sitr. On n'a pas besoin de divulguer. Qala, rahimahullah, wala tahadduth biha, et ne pas en parler. ولأن ذلك غيبة محرمة وهذا هو الذي وردت في هذه النصوص. Donc les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à cacher les péchés, les manquements de nos frères, c'est cette catégorie. أما la deuxième, قال رحمه الله والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن. Même celui qui a l'habitude de faire des péchés, lui-même il ne se cache pas, il s'en vante. Il s'en vante et il se montre, et il est fier. Il ne rentre pas bien dans le hadith. لماذا لأن هذا يفضح نفسه. Lui-même il dévoile ses péchés. Enfin, on n'a même pas besoin de les dévoiler, lui-même il les montre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ce cas dans un hadith wa qala an wa akhbara an Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir li jami' al umma illa al mujahirun al mujahirun ay bil ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à toute la umma sauf à ce sinf al mujahirun, ceux qui montrent Allah subhanahu wa ta'ala satrahum, Allah subhanahu wa ta'ala satrahum fil layl. Ils ont fait ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala il les a cachés, il les a couverts fil layl. Et au matin ils se dévoilent, ou le matin et dans la nuit ils se dévoilent, na'oud billah. قال وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. نعم. Et هذا s'il a fait un péché il mérite une sentence. هذا bien sûr c'est permis de le dénoncer aux autorités. كذلك s'il fait du mal envers les autres c'est permis de mettre en garde. من باب التعاون مع المسلمين. Donc bien différencier entre ces deux cas. Et المهم celui qui cache les défauts de son frère est la première catégorie que le Hafid il a cité, rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il cachera les siens. On fait attention de ne pas faire partie de Shamitoun, Al-Khabithoun, qui, quand ils s'aperçoivent ou ils ont pris connaissance d'un défaut, d'une faiblesse de leur frère, ils font tout pour lui faire du mal. Al-Mu'min, il ne doit pas s'entraider avec le shaitan. Il y en a celui qui fait tout pour propager, pour faire du mal aux mu'min, c'est al-shaytan. Ou a'wan al-shaytan. Junud al-shaytan, l'armée de shaytan. Mais nous, en tant que mu'min, on ne doit pas aider shaytan contre notre frère. Si on connaît un frère, il est à la khair, mais il a eu des manquements, il a eu des faiblesses. Ça ne sert à rien d'en parler à tout le monde. Puis, à d'al-hal, awwalan, pense à ce genre de hadith. Couvre, cache ses péchés. La'alallah subhanahu wa ta'ala. Il cache les tiens yawm al-qiyama. Et kadalik, sans négliger un noush, on essaie d'aider ce frère. On n'est pas infaillible. On n'est pas infaillible. On a des faiblesses, on est des êtres humains. Fabiad al-Hal, la testarib. Ça reste un humain. Peut-être qu'il a fait un péché, peut-être qu'il a fait un grand péché. Et c'est fait, c'est passé. Fabiad al-Hal, essaye d'aider ton frère. Ça reste un mu'min, c'est ton frère. Oh, Satan s'y regrette, oh, Satan s'y est triste, oh, Satan s'y reconnaît. Fabiad al-Hal, qu'est-ce qu'on peut faire? Allah subhanahu wa ta'ala si ce abd il se repent sincèrement, Allah il accepte son repentir. Pourquoi nous on n'accepterait pas? Pourquoi nous on serait contre? Pourquoi nous on mettrait des obstacles à ce mu'min? Ça vient de ba'd al-qulub al-khabith, certains qui sont malades du cœur. Wal'iyadu billah, ils n'aiment pas la réussite de leur frère. Ils n'aiment pas que leur frère il garde un espoir. Mais pardon, ils font tout pour faire du mal, pour faire tomber le mu'min. Enfin, fais attention à Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Celui qui essaye de faire du mal à son frère, qui est dur envers son frère, qui n'accepte pas les excuses. Al-jaza min jins al-amal. Viendra un jour où tu auras besoin de qu'on te facilite, qu'on te pardonne. Si tu as été dur envers ton frère et tu as tout fait pour lui rendre difficile les choses, ihdhar. Qu'un jour les choses elles ne te soient pas rendues difficiles, akhil karim. Vous avez remarqué que tout ça revient ila muraqabatillah. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut avancer pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui pense à yawm al-qiyamah, il va s'écarter de toutes ces maladies qu'on vient de citer. Mais il va tout faire pour faciliter, pour aider les autres, pour que Allah il l'aide et lui facilite. Lakin, en suivant sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez remarqué que le point qu'il a cité Ibn Rajab, c'est pas tout le monde qu'on cache. Là, il y a des règles à respecter. Enfin, on doit craindre Allah. ثم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah subhanahu wa ta'ala il aide le abd si le abd il aide son frère. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide, et on le répète, on a tous besoin de l'aide d'Allah azza wa jalla. Soit une cause pour aider ton frère. Il a cité un athar an al-Hasan Jamil, al-Hafid ibn Rajab, قال وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم مروا بثابت البناني. ثابت البناني, un grand imam, parmi les grands élèves de Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Souvent dans les chaînes de transmission, avant Anas, Le rapporteur, c'est Thabit al-Bunani. C'est bien Athbat al-Nas fi Anas. Il rapporte beaucoup à Anas ibn Malik. Il a rencontré d'autres compagnons. Enfin, Hassan al-Basri, marra, il a envoyé donc certains de ses amis pour aider un homme. Et il leur a dit, passez chercher Thabit al-Bunani, cet imam. Passez le chercher, comme ça, il va avec vous. Qala, fakhudhuhu ma'akum. Et prenez-le avec vous, qu'il vous accompagne. Fa'atou Thabitan, faqala ana mu'takif. Ils sont partis voir Thabit, et ils lui ont raconté la situation. Il leur a dit, je suis mu'takif. Al-i'tikaf, c'est le fait de rester au masjid. Lillahi subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense et ne pas sortir. Al-i'tikaf, beaucoup ça se fait les derniers jours de Ramadan. Qala faraja'u ila al-Hassan fa akhbaruhu. Donc ils sont retournés عند al-Hassan al-Basri et ils lui ont dit أن ثابت رحمه الله il est occupé في الاعتكاف. Qala fa akhbiruhu. Qala plutôt al-Hassan fa qulu lahu ya a'mash amma ta'lam أن mashyak fi حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. Al-Hassan, il s'est mis en colère et il leur a dit, allez le voir et dites-lui, Anna, le fait d'aider ton frère, c'est mieux que de faire Al-Hajj ba'd Al-Hajj. Thumma qala, faraja'u, ils sont retournés voir Thabit, fataraka atikaf. Il a délaissé l'atikaf et il est parti avec eux. Ça nous montre l'importance d'aider, de s'aider entre mu'minin et kadhalik, amma Al-Hajj Al-Faridah. L'obligation, là, chacun, ça fait partie des piliers de l'islam. La mourad al-Hazan, al-Hajj wa'ad al-Hajj, est nafila. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé salat al-Asr. L'obligation, ça fait partie des piliers de l'islam. Et il l'a délaissé au masjid à l'heure, il l'a retardé pour aller faire sulh bayna al-mu'minin. Et là, chacun a réconcilié entre mu'minin, c'est minat ta'awun, c'est une entraide. Ça nous montre quoi, ya ikhwan? On ne doit pas toujours trouver des excuses. Les anassi, on n'a pas ce genre de priorité. Et à chaque fois qu'un mu'min il a besoin d'aide, wahed minna il est occupé, la chakana, beaucoup de khir on va être privé. Un jour tu dois garder tes enfants, un jour tu dois sortir, un jour tu dois faire une course, un jour tu n'auras jamais le temps. Là, certaines choses, ton frère il a besoin. Illa, bien sûr, dans certains cas, tu peux vraiment pas. Ouais, illa, fa mazalan al-i'tikaf, c'est pas obligatoire. L'i'tikaf, c'est pas obligatoire, c'est pas une obligation. Al-Hadha al-Hassan, il leur a dit, dites-lui, Hadha. C'est pas une obligation, ton frère, il est fi haja. Ça nous montre que dhalik, anna thabit, rahimahullah, il a accepté le nusah. Ça nous montre, anna, si ahyana, ton frère, il te conseille, même avec fermeté, comme c'était le cas, huna, alhamdulillah, il a accepté. Le haq, c'est le haq. Il avait raison. Et anna, j'ai mal compris, alhamdulillah, tu délaisses ce que tu pensais, et tu fais, on retiendra et ce bien te sera profitable fi dunya wal akhirah. Thumma qala, il a cité une autre qissa, al-Hafid ibn Rajab qala wa kana kathirun min as-salihin yashtarit ala ashabihi fi as-safar an yakhdumahum wa sahiba rajulun qawman fi al-jihad fashtarata alayhim an yakhdumahum. Il a raconté cette histoire de Jean Pieux qu'il connaissait apparemment, et quand il voyageait, wahid minhum, il citait comme condition Umbrul Himma, celui qui a compris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui met en application. Pourquoi? Parce qu'il a compris et il veut la récompense. Vu que ouais, il a compris l'énorme récompense si tu aides tes frères, quand il voyageait Mahoum, il mettait en condition, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui vous aide. Khidma. Celui qui a besoin d'eau, celui qui a besoin de telle chose, c'est moi qui fais. Nous, à cause de nos faiblesses, on essaie d'éviter ça. Quand on en voyage, on essaie d'éviter de faire le moins possible. À cause d'un problème dans notre foi. À cause d'une rufle. On oublie ce genre de hadith. Rupama qu'on mémorise, qu'on connaît. Lakin al-himma. Et l'intention et tout ça, c'est minallah azza wa jal. Oui, mettez cette intention, cette condition. C'est moi qui fais. Qala wa sahiba rajulun qawman fil jihad. Fashtarata alayhim an yakhdumahum. Donc un homme, il a accompagné des autres croyants pour le jihad. Ibadatun azima. Et encore plus celui qui s'entraide avec ses frères lorsque c'est une ibad. S'entraider avec ton frère quand c'est quelque chose de dunya, tant que c'est pas du haram, bien sûr. Dans le haram, on n'a pas le droit. Mais quelque chose de halal, Donc pour repousser un mal, il y a une énorme récompense. Mais alors que tu t'entraides avec lui, fi al jihad, fi al ilm, pour le hajj, pour le hijra, pour le zawaj, pour le mariage, toutes ces adorations que Allah il aime. قال فاشترط عليهم أن يخدمهم. Il a mis cette condition. Je vais au jihad avec vous, lakin c'est moi qui m'occupe de vous. Celui qui a besoin de quelque chose, je le fais. Il doit acheter telle chose, il doit lui emmener de l'eau pour faire l'eau d'eau, il doit. مهم. الخدمة معروفة. فقال فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه وثوبه قال هذا من شرطي. Quand quelqu'un voulait se laver la tête ou laver un de ses vêtements, il intervenait et disait ça c'est ma condition et c'est moi qui le fais. Ce vêtement que tu vas laver, laisse, c'est moi qui le fais. انظروا الثبات والهمة والتوفيق. Laver les vêtements de son frère. Il disait ça c'est ma condition, je le mets en condition. قال فيفعله. Donc les gens ils le laissaient faire, c'est lui qui faisait. فمات فشردوه للغسل. Il est mort. رحمه الله durant ce voyage. Ils l'ont lavé. قال فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة. Ils ont trouvé dans sa main une phrase écrite. من أهل الجنة. أي, il fait partie des gens du paradis. أي, cet homme. فنظروا. فإذا هي كتابة بين الجلد والعظم. Ils ont essayé de voir qui c'est qui a écrit cette phrase. من أهل الجنة. Et tu fais partie des gens du paradis. Ils se sont rendus compte que l'écriture, elle était sous la peau, entre la peau et les os. Et c'était à l'intérieur. Et c'était pas quelqu'un d'eux qui a écrit هذا أبدا. Ils ont compris أن الرجل, il était mort على خير عظيم. Une des causes, wallahu ta'ala a'lam, c'est هذه المحبه pour ses frères. Ce sacrifice, ça demande des efforts, ya ikhwan. Laver les vêtements de un tel, faire les courses pour un tel. Là, attendons-nous, on lit ce genre de récit et c'est simple. Khasatan à leur époque. Le jihad, c'est des mois de marche avec la difficulté, avec la chaleur, avec. Comme Allahu a'lam, combien d'efforts, combien de sacrifices il a fait. Lakin ta'ammalou al-aqiba. تأملوا الخاتمة بإذن الله عز وجل كستم إلى أو الله أعلم بالقصة لكن الحافظ ابن رجب لا سيتي كأنه سي دي جان كي كونا سي سي دي جان كي كونا ف on a aucun doute أن الإمام ابن رجب c'est un thiqa, il a rapporté cette histoire qui est véridique et c'est pas بعيد faut pas نستغرب من مثل هذه القصص كأهل العلم يسيت رحمة الله عليهم فهذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم. قال ابن حبان رحمه الله الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين. Ça, ça fait partie de التعاون. C'est pour ça qu'il l'a cité هنا. نصيحة المسلمين. قال والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم. كذلك هنا c'est une إشارة طيبة أن أحيانا tu dois pas attendre que ton frère il se plaigne. Tu dois pas attendre que ton frère il te demande. Tu sais que ton frère, مثلاً, il se sent mal et tu le vois. Physiquement, il est affaibli. Il vient plus au masjid. Akhil Karim, dans ce cas, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas attendre un coup de fil. Il faut aller voir un tel, il faut l'aider. Puis, هذا الحال, le mu'min, il doit prendre des initiatives. Quand c'est pour dunya, on fait le pas, le premier pas. Ben, on fait beaucoup de pas. On fait beaucoup de pas en espérant un salaire, quelque chose en retour. C'est normal. On ne doit pas oublier ce genre de choses, ne pas être toujours les derniers. Si c'est pas organisé, il n'y a pas une affiche, il n'y a pas un coup de fil, il n'y a pas, à notre époque, les réseaux sociaux, 50 messages, là il y a taharrak. Ça c'est minad dha'af, ça c'est de la faiblesse. Là tu sais, sabiq ila al-khayr. On vient de citer l'histoire, cet homme, il n'a pas attendu, il est resté derrière et il attend qu'on lui dise. Qui sait qui veut laver les vêtements de. Il n'a pas attendu, il a mis comme condition. Taqaddam, il s'est avancé. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Fa'akada anta akhil kirim. Si tu fais un pas et tu t'avances, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera. Qala li anna man naffasa kurbatan min kurab al-dunya an muslimin naffasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah, comme on vient de voir dans l'explication du hadith. Wa man taharra qada hajatihi wa lam yuqda qada'uhu ala yadayhi fa ka'annahu lam yuqassir fi qada'iha. Ça c'est tayyib. Ahyanan tu as l'intention mathalan de rembourser les dettes de tel frère et tu as pris l'argent avec toi et tu viens pour payer la dette. tu te rends compte que Wahid t'a devancé. Et à dal hal, tu as une énorme récompense. Innamal a'mal ou binniyat. Même si tu n'as pas payé la dette, tu es considéré avoir fait hada. Pourquoi ? Parce que tu avais un niya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la shak, anahu, il récompensera ce mu'min par rapport à sa niya. قال وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء والإخوان يعرفون عند الحوائج. هذه كلمة جميلة. تذكرون أنه début du livre et dans plusieurs chapitres on avait cité هذا, on a ce genre de phrases très très courtes, très très profitables. Note-les, أخي الكريم. Le livre il est assez long. On est arrivé à la 400e page, il y a à peu près 500 pages. Enfin, certaines kalimats, certaines phrases, certaines fawaïd, si tu les notes pas, tu auras du mal à les retrouver. Est-ce que tu auras la force de relire tout le livre pour rechercher ce genre de faïda? Enfin, quand il y a une kalima jamila, une phrase très très profitable, note-la sur imma dans un cahier que tu as réservé pour Ada, imma au début de ton livre. Au début du livre, en général, il y a une page blanche. Enfin, tu notes. Al-Imam ibn Hibban, rahimahullah, il l'a dit. Et tu notes la faïda, et tu mets la page. Le jour où tu as besoin des faïd que tu as étudié dans ce livre, tu sais un tas que tu as étudié Ibn Hibban, tu as suivi les cours, et tu sais qu'Ibn Hibban l'a dit une phrase très très profitable dans l'entraide. Mais tu sais plus c'est quoi exactement, et tu sais plus c'est quel chapitre, et relire tout le livre, rechercher, ça prend du temps. Avec هذه الطريقة, tu auras beaucoup de facilité. Et c'est ça l'ilm, c'est ça la science, ya ikhwan. La science, c'est pas écouter faqat, là, al-sam' c'est une étape. Parmi les étapes profitables avec al-sam', avec l'écoute, c'est al-kitab. Quand il y a une faïda, tu la notes. Tu la notes et alhamdulillah, tu la retrouveras très très vite. Wal-ikhwan yu'arafuna inda al-hawa'ij. Les véritables frères sur qui tu peux compter, tu les vois inda al-hawa'ij, quand il y a un besoin. قال كما أن الأهل يختبرون عند الفقر كذلك الأهل. Ton épouse, tu la reconnaîtras عند الفقر. كذلك certains proches, tu les reconnaîtras عند الفقر. Pourquoi? الفقر c'est la pauvreté. لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء. Quand tu as de l'argent, la bonne santé, la voiture et tout ce qui va avec, tout le monde est, comme on dit, asdiqa, des amis. Tu trouveras l'épouse très très calme, satisfaite, elle a ce qu'elle veut. Tu trouveras les proches, frères, cousins, etc. Tout le monde est calme. Tu trouveras les amis, il y en a beaucoup. Dès que tu appelles, ça décroche très très vite. Amma, عند الفقر, quand tu n'as plus rien, quand tu es malade. Wahid, il sait que ce coup de fil, peut-être c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Et tu trouves كثير من الناس qui sont touchés par al-dha'f, fi hadha al-hal ils délaissent leurs frères. Qala wa al-ikhwan yu'rafuna 'inda al-hawa'ij. Et هنا un tambih, et كذلك qu'on a fait beaucoup dans ce livre, ne regarde pas les autres. Shaytan, un, il te fait croire, Anna, c'est vrai, un tel, il est comme ça. Chacun, on se regarde, on a tous des faiblesses, on a tous des manquements. On se corrige nous-mêmes. Et khallik min an-nas. Les gens, ils ont des manquements, il n'y a aucun doute. Lakin nous, chacun de nous fait des efforts pour ne pas faire partie de l'ikhwan qui sont là. عند المصلحة وعند الشدة ils disparaissent. الإخوان يعرفون عند الحوائج quand il y a un besoin. قال كما أن الأهل يختبرون عند الفقر. Alors on l'a lu. Si tu prends l'état des kuffars, المجرمون الفجرة هم ils ont aucune limite كما تعلمون. Et hum, ils ne se cachent pas, ils n'ont pas de haya. Tu trouves Ba'd al-Muslimin, même s'ils ont des faiblesses, même s'ils ont du mal à aider dans certains cas où ils sont attirés par l'argent, par le masalih, lakin ils ont shaymin al-haya, ils ont honte, ils essayent de... Tu trouves al-kuffar fi hadha al-bab, ils n'ont aucune pudeur, comme dans tout le reste. Maintenant, ils ont un ami, ils profitent avec lui, ils sortent, etc. Le jour où il tombe malade, il n'a plus d'argent, hum, ils lui disent, enfin, si, là, c'est fini. Et ils vont chercher un autre. نعوذ بالله من هذه الأخلاق السافلة. Ça c'est من السفول. Ça y est, بالله, c'est de l'humiliation. Et c'est un manque de dignité, de fierté. C'est un manque de mourou, comme on a vu dans les douloureux précédents. قال كما On s'est arrêté. قال وشر الإخوان الخاذل لأخي عند الشديدة والحاجة. Ça c'est من شر الإخوان. Parmi les mauvaises fréquentations. Al-Khadil, il délaisse son frère quand son frère il a besoin. Son frère, il est fichid. Obama, il a besoin que rien que quelqu'un reste ma'a. Et tu le trouves, ce frère, il déserte. قال كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن. Et non. Un bilad, un endroit, un pays, une région, une ville où il n'y a pas la sécurité, c'est min shar al-bilad. Tu peux plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux. Obama, tu peux pas aller au masjid. Obama, tu peux pas étudier. Obama, tu peux pas sortir tranquillement. Tu es fichouf. Tu es fichouf toujours, du matin au soir. Contrairement à un balad amen, tu peux avancer. Hakada, ce genre de fréquentation. Qala wa anshadani al-Quraizi, rahimahu Allah, khayru ayyami al-fata yawmun nafa'a. واصطناع العرف أبقى مصطنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع كلام جميل ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. Celui qui veut récolter du bien, il doit planter du bien. Tu veux récolter tel fruit, tu dois planter la graine. هكذا الخير. Tu veux du bien, fais les efforts. Je te dis. قال ليس كل الدهر يوما واحدا ربما حط الفتى ثم ارتفع. صحيح. Ne pas oublier. هذا كذلك أن ليس كل الدهر يوما واحدا. Tu ne sais pas, ça passe très très vite. Et ça c'est un kalam jamil pour nous motiver à faire le bien. Si on prend l'exemple de l'entraide, on reprend l'exemple de ce frère malade. Le fait de repousser, matadrianta, demain il meurt. Et c'était ton frère, tu le connaissais, c'était tes proches et tu l'as laissé. Et tu n'as fait aucun effort, même pas une visite, et il meurt. Tu auras des regrets. Une fois qu'il est mort, c'est fini, ça nous montre. Al-Khayr, on doit faire des efforts. Qu'est-ce avec cet argent que tu as, et Robama, que tu as du mal à dépenser, fils Abilillah, ça tombe très très vite. Robama, demain tu n'as plus rien. Et tu auras des regrets. Hakada, cette santé que Allah t'a donnée. Tu peux faire du khayr, tu peux faire le hijra, tu peux faire le hajj, tu peux étudier, tu peux aller au masjid, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux t'entraider avec tes frères. Le jour où tu n'as plus cette sihah, tu as eu d'énormes manquements, tu regretteras. Qala rahimahullah. Il a rapporté an al-Hassan, kana al-Hassan yaqul qada'u hajati akhi muslim ahabbu ilayya min i'tikaf shahrayn. Masha Allah. On a vu dans Jami' al-Uloum wa al-Hikam de al-Hafid ibn Rajab, al-Qissa de al-Hassan al-Basri avec Thabit al-Bunani. Quand Thabit il était en i'tikaf, il lui a dit: Kayf, tu délaisses l'i'tikaf? Kayf, tu fais l'i'tikaf? Alors que ton frère il a besoin, wa zajara, rahimahullah. Et dans ce athar, rahimahullah, il a dit: Qada'u hajat akhin muslim. Aïe, rendre service à ton frère. Aider ton frère. Dans un besoin qu'il a, ahabbu ilayya, c'est préférable min i'tikaf shahray. Wala shak. L'i'tikaf, c'est une ibada azima, ce n'est pas obligatoire. Et le bien, il est restreint sur toi. Tu fais l'i'tikaf, t'es récompensé si t'es sincère. Amma, aider ton frère musulman, tu as une énorme récompense. Pourquoi? Parce que tu as aidé ce frère et c'est une cause pour que Allah t'aide. Lihada. Al-ulama, il faisait passer qada hajat al-akh avant certaines adorations, khassatan bien sûr an-nawafil, les adorations recommandées. Amma al-wajib, c'est le wajib. Bal al-ulama yadhkurun min a'dhar as-salat, min a'dhar as-salat fi al-jama'a. Il y a plusieurs raisons que l'homme il peut ne pas assister à la salat en groupe. Quand il pleut très fort et d'autres moments. Parmi les raisons, ils ont cité si le mu'min il doit s'occuper d'un frère malade. Mais la salat al-jama'a est wajib. Mais ce frère malade, il a énormément besoin. La nourriture, le nettoyer, beaucoup de choses. Si tu accompagnes ton frère malade et le fait de le délaisser, ça peut lui faire du mal. Ça peut être grave, il peut mourir, sa maladie elle peut s'aggraver, autre. tu vas pas à salat al-jama'a, tu t'occupes de ton frère. Encore plus si c'est un proche comme ton épouse, un enfant, un parent. Ça nous montre l'importance de التعاون. قال رحمه الله حقيق على من علم الثواب لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية. المنية الموت. نصيحة جميلة أن celui qui a pris connaissance de la récompense, أن celui qui aide ses frères, Allah سبحانه وتعالى il l'aidera. أن لا يمنع ما ملك. Ne te prive pas, Akhil Karim. Que ce soit le jah. Maintenant, tu peux intervenir, tu as des connaissances et ton frère, il est fidaïk. Maintenant, il a des problèmes administratifs, il a des problèmes de justice. Il est opprimé. Et anta, tu peux intervenir, tu as des connaissances. Fala tamna' nafsak min hadha al-khayr. Tu interviens et tu secours ton frère fi hadha al-khayr, fi hadha al-bab plutôt. Qal aw mal, ou de l'argent. In wajada as-sabil ilayh. قبل حلول المنية avant la mort تقدم معنا أن cet argent ne le prendra pas avec nous dans notre tombe. On doit utiliser une partie pour الخير. قال فيبقى عن الخيرات كلها ويتأسف على ما فاته من المعروف. صحيح. يتأسف, ça vient de l'asaf, أي il regrettera. Ce mu'min il regrettera. Il y en a combien de ma'ruf tu peux faire avec ta langue. Le ma'rouf, c'est le bien. Avec ton argent. Avec ton statut. Si tu as chez min al-ma'rifa wal-jah, on ne doit pas se priver. قال والعاقل يعلم أن من صاحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. Et ça, c'est ce qu'on a cité كثيرا. Et il l'a cité هنا بالنص رحمة الله عليه. العاقل يعلم أن صاحب النعمة في دار الزوال. العاقل ومن وفقه الله سبحانه وتعالى il oublie jamais أنه il est في دار الزوال. Il est dans cette demeure qui est très très instable. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ne te prive pas du bien. Ne repousse pas. الشيطان parmi ses ruses, comment il combat le mu'min. أحيانا il ne va pas te dire délaisse complètement le bien, va faire du mal. Là. Ahyanan, il utilise cette méthode, al-khabith, al-taswif. Il te fait repousser. Tu voulais rendre visite à ce frère demain. Il est malade après-demain, je suis occupé, j'irai le week-end. Thoma le week-end le prochain, un jour tu apprends qu'il est mort. Khairun azim, tu aurais pu le visiter, tu aurais pu le conseiller. Thoma tu regrettes. Fais attention de ne pas repousser al-khair. Thoma qala. وَإِنَّ مِنْ تَمَمَ الصَّنَائِعَ وَأَهْنَاهَ إِذَا كَانَ ابْتِدَاءٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ. Et n'attends pas pour faire le khair qu'on te demande. Il y en a quand on te demande, ton intention elle peut changer. On peut te demander, maintenant tu n'avais pas l'intention de faire ce bien, et tu demandes et tu y vas et à contre-cœur. Et l'intention elle n'est pas bonne. Et kadalik, ne t'habitue pas à attendre qu'on te demande. Il y en a beaucoup de gens, ils ne demandent pas et tu seras privé, tu te priveras toi-même du bien. On l'a cité cette faïda kathir. Ça fait du bien. N'attends pas que les gens ils te demandent. Bardennes, on l'a déjà cité. Ils le disent clairement. Si tu as besoin d'un service, tu as besoin que je vienne t'aider, dis-moi. Ya khi, si tu sens qu'il a besoin d'aide. Mathalan, il déménage. Mathalan, il est fi haja. Ça se voit. N'attends pas de qu'il te demande. Il y en a barde al-ikhwan. Ils demandent pas. Ils demandent pas. Ils ne peuvent pas. Ils demanderont pas. Ne te prive pas. Là, si tu as le temps et que tu veux l'aider, aide-le, ya akhi al-karim. Aide-le, tu as une énorme récompense. Allah, il est fi aouni l'abd. Ma kana l'abd fi aouni akhi. Qala rahimahullah, wa la yajib an yakoun as-su'al illa fi diyar al-qawm wa manazilihim. Hada, on le laisse pour le dars suivant par rapport au su'al. Non, tout ce qui est par rapport au su'al, on le laisse le dars suivant. Ça va être sur hada. قال رحمه الله on passe directement à la fin. قال أبو حاتم لا يجب للعاقل أن يتوسل في قضاء الحوائج بالعدو ولا بالأحمق ولا بالفاسق ولا بالكذاب. كذلك si tu veux t'entraider فاحذر من هذه الأصناف الأحمق والكذاب والفاسق. Ils pourront te pousser à faire certaines choses de haram. أو أحيانا c'est au nom de l'entraide et ça fait énormément de mal. فاحذر في هذا. Ne sois pas fi ghafla. le premier qui te propose une chose, tu suis. Ah, Satan à notre époque. Comme il a mis son nom de l'entraide, et ils ont fini dans des problèmes très très graves. De justice, accusés de terrorisme ou autre. Fahdar. Commence par t'entraider avec tes proches. Ils sont fait Hajj Azim. Commence par les gens les plus proches. Commence par tes parents. Mahiyanan, nous, on délaisse les al-khair devant nous. Et la priorité est le plus profitable. Et on essaie d'aller voir très très loin. Tu sors du masjid ou un que tu n'as jamais vu. Il commence à te proposer des choses. On a besoin. Tu le suis et tu finis fait warta. Ahdar. Ne sois pas fait rafle. Tu connais pas. On vit à une époque. Fais attention. On tombe pas dans la paranoïa, bien sûr, mais on fait attention. C'est des choses qui arrivent. قال ولا بمن له عند المسؤول طعمة ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة ولا أن يجمع بين سؤال وتقاض ولا يظهر شدة الحرص في اقتضاء حاجته فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء. Eh نعم. Et si tu as besoin qu'on t'aide dans une chose. Comme قال رحمه الله. Déjà, comme on a vu auparavant et comme on va voir dans le dors suivant, inshallah, un al-mu'min, il essaie de demander le moins possible. لِأَنَّ فِي السُّوَالِ ثِقَلْ وَذُلْ. Fait de demander, ça peut être lourd pour certains et ça peut être une humiliation pour celui qui demande. لَكِنْ أَحْيَانًا al-mu'min, il a besoin. Il a besoin, il a une haja. Et alhamdulillah, fi hadha al-bab, il n'y a pas de mal. Madalène, tu as besoin d'un frère, tu dois porter quelque chose chez toi, un déménagement, tu es tout seul, et certains tes frères proches, tu leur demandes, et bien sûr, il n'y a aucun mal. Lakin, avec cette précision, sans insister, limada, قال فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة, لأن الكريم, celui qui veut du bien, celui qui est habitué à faire du bien, celui qui s'entraide avec ses frères, يكفيه Ishara ou ilm. Ahyanan, tu t'en rendais pas compte, tu savais pas maintenant que le frère est déménagé. Enfin, il suffit que tu commences ta phrase, ou il te dit khalas, je suis le premier, j'arrive. Amma, si tu insistes trop, en général, si tu n'as pas de réponse, c'est qu'en face il ne veut pas. Enfin, n'insiste pas. Fais hadha al-hal. قال ولقد انشدني منصور ابن محمد الكوريزي واذا طلبت الى كريم حاجه فاصبر ولا تكو للمطال ما ادري لو سونس فان ريبيت فاصبر ولا تكو للمطال ملولا. نعم ملولا اي ça vient de الملل. Ne sois pas lourd. Si tu as une haja, fa tu la demandes باختصار. Et alhamdulillah, celui qui veut aider, il a très bien compris, il t'aidera. قال ولا تظهرن الشره الحريص ولا تكن عند السؤال اذا نهضت ثقيلا. Évite d'être ثقيل. وبعضهم صحيح il demande et tu trouves واحد, il peut vraiment pas, il a un rendez-vous important, il ne peut pas, ça arrive, et tu trouves وبعضهم ils insistent, ça devient très très lourd. احذر من هذا الكريم. On répète comme قال ابن حبان رحمه الله الكريم يكفيه العلم بالحاجة. الكريم, si il a entendu tes propos, il a compris, il veut venir, il va venir t'aider. قال أبو حاتم العاقل لا يتسخط ما أعطي وإن كان تافها لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده ربح. Ça c'est un dernier point par rapport à celui qui reçoit cette aide. Il y a un autre problème. بعض الناس, ils ont des besoins et ils se font aider lakin ils sont pas satisfaits. مثلا واحد, il a des problèmes financiers, واحد il l'aide avec une très petite somme. 20 dirhams, 50 dirhams, moins. Et tu trouves, ils font apparaître directement, ça se voit sur leur visage, ils ne sont pas contents. Bel, on vit une époque, ils le disent clairement. Si c'est pour me donner que ça, c'est pas la peine, na'oudou billah. Ne pas oublier le geste de ce muslim. Wa ma ala al-muhsinina min sabil, hakada qala azza wa jal. Ce mu'min, walaw il donne un dirham, walaw il donne un centime, c'est du khayr. C'est du khayr. Et on doit kadalik ne pas oublier sa situation. Peut-être qu'il a des besoins. Al-aqil la yatasakhat ma uatiya. Al-aqil, il n'est pas mécontent de ce qu'on lui donne. Wa in kana tafiyan, même si c'est quelque chose de tafi. Il te donne un dirham, dit barakallahu fik. On vit à une époque, certains mendiants comme Ukhbirna, qui font la manche, Mourra Wahed, il lui a donné une pièce, un dirham, ou 50 centimes, et le mendiant, il lui a jeté dessus. Il lui a dit, en gros, Hada, si c'est pour ça, c'est pas la peine. Il voulait du papier. Hada, là, chacun a un khuluq sayyi. Alhamdoulilah, il t'a aidé, n'oublie pas le geste. Ça un manque de qana'a. Et en général, ceux qui font ça, ils ont du tom. En général, ceux qui font ça, ils dépassent les limites. Ils n'ont pas forcément des besoins minimes. Il y en a celui qui a vraiment des besoins. Wallahi, ya farah bil qalil. Le peu est ça le réjouit. قال لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده ربح كلام جميل. Celui qui ne possède rien, enfin la moindre des choses pour lui, c'est du bénéfice. Maintenant, واحد il a rien, il fait la manche, il a vraiment rien. Tu lui donnes un dirham, tu le vois dans le regard à certains mendiants. Dans le regard, tu vois le farah. Il avait rien, un dirham, il sait que c'est du khair. Un autre dirham et un troisième, alhamdoulillah. فهذا. On finit avec le dernier athar. قال سمعت محمد ابن نصر ابن نوفل يقول سمعت أبا داود السنجي يقول كان ببغداد رجل يقال له ابن الهفت. Donc un homme à Bagdad, عاصمة العراق. Un homme qui s'appelait ابن الهفت. فمر يوما على السائل واقف على جسر. Il est passé un jour devant un homme qui faisait la manche sur un pont. Wa huwa yaqul Allahumma arzuq al-muslimin hatta yu'tuni. Faqala lahu tas'al rabbaka al-hawala. Ça c'est min al-jahl. Anna ba'dahum sahih, à cause de l'ignorance, ils font des choses. Quand tu analyses, c'est ba'id. Cet homme qui était sur ce pont, il faisait la manche. Et il faisait dua. Qu'est-ce qu'il faisait comme dua? Il disait, Ya Rabbi, Ya Allah, donne aux muslimines afin que ces muslimines, ils me donnent. L'autre homme, il lui a dit, Tas'al Rabbaka al-hawala. Al-hawala, c'est comme on fait, maintenant, entre êtres humains, tu charges un autre de faire telle chose. Tu charges un autre de faire telle chose. Il dit, mais là, il y en a, tu peux pas. C'est ça, al-hawala. Fahoua, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Akram al-Akramin, etc. de demander, donne-moi, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, amman yujib al-muttar idha da'a. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répond. Il a demandé, Ya Allah, donne aux gens pour que les gens ils me donnent. Hada, la shak anna semina min al-jahl. Et il a fini avec هذا الأثر لعله c'est une ishara pour nous أن si on a besoin et si on est fait ضيق n'attends pas l'aide des autres يا أخي الكريم. Si tes frères ils s'entraident avec toi alhamdulillah, lakin en priorité espère l'aide d'Allah et demande à Allah Azza wa Jal. L'être humain, même s'il t'aide, en général il va t'aider au départ, ثم peut-être que il va se fatiguer. Même si peut-être qu'il va t'aider, thumma il a plus. Enfin, il ne pourra plus t'aider. Enfin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit tout, il sait tout, il est capable de tout, il possède tout, Jalla wa ala. Demande-lui hajatak. Même quelque chose de dunya, que pour certains, ça n'a pas une grande importance. Si tu en as besoin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Et si tu es sincère et tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvrira les portes. Wa man yattaqillah يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نكتفي بهذا والحمد لله.